Voici votre butin régional. À Istinguis, souper de fin volard et jambon le 10 février à 17h30 à la salle des chevaliers Colomb. Organisée par le Centre des femmes La Passerelle, l'activité « Je tombe en amour avec moi » se tiendra le 10 février à 13h30 à Whedon.